Le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le chantier de construction d'une nouvelle fabrique de l'oxygène sanitaire. Il a été accompagné des cadres responsables du parti et de l'armée. Il a dit que les bâtisseurs expédiés par le parti ont travaillé énergiquement à l'allure de maniement en vue d'achever les travaux de construction de l'usine avant terme et que grâce à leurs efforts, l'usine prend déjà forme et apprécie haut les constructeurs. Il a examiné en détail le plan de disposition de la fabrique de l'oxygène médical et son dessin avant de faire le tour du chantier de construction en donnant ses instructions de valeur. Il a dit notamment « L'oxygène médical du secteur de la santé publique exige exceptionnellement la sécurité hygiénique, différemment de l'oxygène industriel des usines et entreprises, car il en va de la vie de l'homme. Si l'on veut produire suffisamment de l'oxygène médical de haute qualité à destination des hôpitaux, il faut construire la fabrique de l'oxygène sanitaire au niveau suprême. L'important est de munir impeccablement cette usine, donnant exclusivement de l'oxygène médical des équipements modernes et procédés techniques. Il faut automatiser tous les procédés de production, dont l'atelier de séparateur d'oxygène, les ateliers de remplissage d'oxygène liquide et gazeux, établir au niveau suprême le système de commande intégrale de la gestion de l'usine et préparer les bouteilles d'oxygène de différents formats aux divers usages. Tous les édifices de la fabrique doivent être en harmonie avec le paysage naturel de ses alentours et propres sur le plan hygiénique et culturel. Il convient de mettre sur pied un centre de ravitaillement d'oxygène de sorte que les hôpitaux de la ville de Pyongyang sont alimentés de l'oxygène sans aucun inconvénient. Faisons remarquer qu'il est nécessaire de mettre en place dans plusieurs régions du pays les fabriques d'oxygène médical comme celles en construction si l'on veut fournir suffisamment de l'oxygène sanitaire à tous les hôpitaux du pays. Le camarade Kim Jong-un a pris des mesures bienfaisantes à ses fins. Et d'où continuer. La construction de l'usine d'oxygène sanitaire revêt une importance pour consolider les assises matérielles et techniques du secteur de la santé publique. Le parti prend ces dernières années toutes les mesures nécessaires à assurer au secteur de la santé publique les conditions matérielles. Il faut réunir toujours avec attention les conditions matérielles du secteur de la santé publique pour améliorer sans cesse le travail sanitaire en accord avec la réalité en évolution et porter la santé publique de notre pays à la hauteur mondiale la plus populaire et la plus avancée. Les investissements ne doivent pas être épargnés pour que notre peuple jouisse mieux du bienfait médical du régime sanitaire socialiste de notre pays, le meilleur du monde, où le parti et l'État prennent soin en toute leur responsabilité de la vie et de la santé de la population, et c'est aussi une entreprise importante pour défendre le socialisme. Soulignant que tous les militaires et civils du pays doivent s'engager dans la campagne de 200 jours en vue de marquer une brèche à l'accomplissement de la stratégie quinquennale d'État pour le développement économique avancée par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, le camarade Kim Jong-un a exprimé attente et certitude que les bâtisseurs allument plus fort les flammes de la création de la vitesse de maniement dans les travaux de construction de l'usine pour ainsi achever à merveille la fabrique avant le 9 septembre prochain, jour anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée.